moitié chanteur, moitié clodo. Dans le décor, je suis un chien. Pas rocker le samedi soir, j'écoute Chopin et sa tristesse. Je pisse and love, je broie du noir. Je suis un mec rempli de stress. Je suis pas rocker les jours de pluie, à l'heure où tous les cons se la pètent. Je suis pas rocker, j'ai pas envie. Je voudrais que le temps s'arrête. La nuit c'est l'overdose, le rock'n'roll est stéréo. Je sombre au fond dans ma névrose, y'a pas de pitié pour les barjots. Tu peux venir là où je suis, j'habite la rue des Chats-Perchés. Chez moi c'est un peu l'Italie, on conjuguera le verbe aimer. Mon spleen dans les bistrots pour une bande de vieux indiens. Moitié chanteur, moitié clodo. Dans le décor, je suis un chien. Je chante pour pouvoir respirer. Je couche les phrases sur les murs blancs. Je chante pour encore exister. J'écris les mots avec mon sang. C'est un combat, une lutte à mort. Donner, je n'en peux plus. C'est un baiser, un corps à corps. L'amour à mort, l'amour à nu. Les yeux perdus dans les nuages, on s'embrasse pour l'éternité. À bout de force, on a la rage, mais les oiseaux sont fatigués. S'affale dans les camions, tous les Indiens sont épuisés. Il reste une fleur sur un balcon et une douce envie de rêver. Je trafique mon spleen dans les bistrots pour une bande de vieux Indiens. Moitié chanteur, moitié clodo. Dans le décor, je suis un chien. J'avais 1000 ans, un gros meuble à tiroirs, encombré de bilans, de verres, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances. Cache moins de secrets que mon triste cerveau. C'est une pyramide, un immense caveau, qui contient plus de morts que la fosse commune. Je suis un cimetière abhorré de la lune, où, comme des remords, se traînent de longs vers. Qui s'acharne toujours sur mes morts les plus chères. Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées, où gît tout un fouillis de modes surannées. Désormais tu n'es plus, ô matière vivante, qu'un granit entouré d'une vague épouvante, assoupi dans le fond d'un Sahara brumeux, un vieux sphinx ignoré du monde, insoucieux, oublié sur la carte, et dont l'humeur farouche ne chante qu'au rayon du soleil qui se couche.